Salut, c'est Apéro Tac, l'émission qui vous parle des news, du manga et du monde otaku, tout en buvant l'apéro. Allez, générique! Apéro Tac. Eh bien, bienvenue pour ce premier épisode d'Apéro Tac. Aujourd'hui, je suis accompagné de Yankuza. Salut à tous, c'est Yankuza. Voilà, tu peux te présenter peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, ça m'étonnerait, vu comment t'es connu, mais... Oui, bien sûr. je suis Yankuza, je suis youtubeur, j'ai ma propre chaîne YouTube où je reviens sur un peu tout ce qui est rétro via ma web série Otakuza, où un Yakuza très otaku s'occupe d'un autre otaku. Enfin bref, faut regarder. Oui, après, voilà. J'ai un podcast qui s'appelle RetroTac où je reviens sur ce qui a été diffusé en France et au Japon sur une année. Et puis sinon, de temps en temps, je fais des animés Neno Melody Omake avec Yota et Ryudoka. Voilà. Et Kaoshi. Salut. Salut petit à tous, nouveau, les amis. Petit nouveau. Ouais, le voilà. Petit nouveau, c'est moi, voilà. En fait, présente-toi. Donc, hein. Alors, moi, je m'appelle Kaoshi. Je suis également vidéaste avec ma propre chaîne. Je fais du débat manga, du let's play, des parodies, des podcasts, je fais un peu de tout parce que je suis un malade mental. aujourd'hui, je suis content de faire ce premier live avec vous, déjà. Je suis chaud. Je tiens quand même à préciser pour l'excuser, c'est que Kaoshi a une angine. Ah donc, oui, exactement. S'il parle ou qu'il tousse, on s'excuse avant, mais bon, c'est pas ta faute, le pauvre, il est malade. C'est la période. C'est je la transpire période. Comme un porc et je suis là quand même pour faire ça. Voilà, c'est fait, c'est dit. Voilà, attention les. Donc, veuillez nous excuser d'avance. Bon, on va commencer ça par les apéro news. Hein. Les apéro news, donc du coup, c'est une partie de l'actualité qu'il y a eu ces deux dernières semaines. Et sur lesquels on va parler pour ceux qui vont connaître l'émission. Là, donc, la première news, ce sera la bande-annonce définitive de Ghost in the Shell qui est sortie. Je sais pas si vous l'avez vue. Non, personne ne me répond. Si, j'ai vu la dernière. vous en avez pensé quoi? Je suis à la régie en même temps. Vous en avez pensé quoi de la dernière bande-annonce? Ça m'a l'air d'être bien pour moi. Moi, je la vois un peu partout parce qu'elle circule partout sur les réseaux. Et oui, et ça a l'air vraiment super. Déjà, j'adore Scarlett Johansson pour ses rôles qu'elle joue à la perfection. Et dans la bande-annonce, tous les éléments en fait sont géniaux. J'ai trouvé cette bande-annonce vraiment géniale et ouais, j'ai hâte de voir le film. Ouais. Vous savez qu'il y a un one-shot qui va sortir, Ghost in the Shell Anthologie. Et que c'est Boichi qui a été choisi pour le faire. Ah oui, j'ai vu ça. Voilà, ça va être édité chez Kodansha. Alors pour mémoire, Boichi, c'est aussi l'auteur de Sanken Rock, pardon, et Wallman. Sanken Rock, oui. Voilà. Donc, bien bourrin. Oui, voilà, bien bourrin. il y a quelques images qui passent, qui vous montrent un peu son dessin. Ça m'a l'air pas mal du tout, quoi. Donc j'ai plutôt hâte, j'espère que ça va sortir en France. Je croise les doigts. Je croise les doigts. Je croise les doigts. Ah, voilà, ça c'est clair quand même. Bon, moi, un truc que j'attendais personnellement, c'est My Hero Academia qui arrive en DVD en Blu-ray chez Kazé. J'ai encore trouvé aucune information. Mais bon, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cet anime? J'ai pas vu l'anime. J'ai lu juste une partie du manga. Donc... D'accord. Personne n'a lu le manga? Alors, moi, je déteste les deux. J'ai une haine. Ah, j'ai une haine contre ce manga et l'anime aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi déjà, je n'aime pas juste le concept, le héros qui n'a pas de pouvoir, déjà que c'est trop cliché, que le héros qu'il admire, il est pourri, il est juste... je comprends même pas la base de ce manga, je comprends pas pourquoi en fait, il marche. Et... La base, c'est qu'en fait, oui, il n'a pas de pouvoir, mais après, il en a des pouvoirs. Oui, après, oui, je sais qu'il veut devenir un héros, tout ce bordel là, mais... Et qui se sert justement de son cerveau d'abord, puisqu'il a étudié tous les super-héros, parce que son pouvoir justement détruit son corps au début, puisqu'il ne sait pas le maîtriser. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. Hein. D'ailleurs, je suis un manga. J'aime beaucoup. Déjà, dès qu'il y a des super-héros, moi j'aime bien. Je suis fan de Batman, donc déjà ça veut tout dire. Donc, moi, un super-héros qui a pas de pouvoir tout de suite, ça me plaît quoi. N'oublions pas que chez DC, le meilleur super-héros, le plus fort, c'est Batman. Même Superman le dit. Voilà. Désolé, je suis de la team Marvel et c'est moi, c'est Spider-Man. Donc Ah, bah voilà. On est en train de dériver sur les comics. Là, je sais pas, c'est fini. C'est fini. Bon, on revient sur notre sujet. Il y a Sword Art Online, le film qui va bientôt sortir en avant-première. Donc, il y a deux séances de programmer, une au Grand Rex. Donc à Paris le 19 février à 20h et au Kinépolis de Lille le 20 février à 20h30. Dans ces deux avant-premières là, on va avoir l'occasion de poser des questions aux producteurs et aux responsables de l'animation. Shinoshiro Kashiwada, excusez-moi, j'ai du mal à prononcer les noms, ouais. Et Shigo Adachi, qui est donc lui le chara-designer. Est-ce que vous avez hâte de ce film là, moi j'ai adoré la série. Personnellement, Sword Art Online, c'est pas mon truc. C'est pas ton truc. Désolé. Ah. SAO, c'est pas mon truc. Moi, ça dépend. C'est le scénario, ça m'intrigue parce que j'ai suivi toute la série Sword Art Online. Et jusque là, moi, même moi, j'ai aimé les arcs qui ne sont pas aimés, etc. Donc moi, franchement, j'adore. Et le film, après, il a l'air moyen, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on va se retrouver totalement dans un nouvel univers, mais après, à voir ce que ça donne. Si ça peut donner quelque chose d'intéressant, pourquoi pas, après. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Moi, ce que j'ai un peu peur, c'est que ça sorte un petit peu du lot, un peu comme les films DBZ, tout ça, et que ça n'a rien à voir avec l'histoire d'origine. Ça, j'avoue que c'est personnellement ma crainte à moi. Ouais, j'ai beaucoup aimé la série. Hein. Les nouvelles, je les ai pas encore lues, mais ça va pas tarder, ils sont commandés. Après, à voir. Je sais que Dugger, ça a rapport avec un autre manga, c'est Axel World. Apparemment, Axel World se passerait plus tard, beaucoup plus tard que. C'est avec Tout le monde, ça. Oui, non, exactement. Pas vraiment. Ça se passe pas vraiment plus tard, puisque dans le manga, on a un tome qui est dédié à un combat entre le héros de Axel World et de Kirito. D'accord. Donc, Kirito va voir le héros de Axel World, ils vont se défier, etc. Donc ouais, ça se passe pas vraiment, vraiment plus tard, c'est juste que ça se passe, on va dire, en parallèle. D'accord. Ouais, dans une partie qu'on n'a pas encore vue dans la série animée, qu'il faudrait plus lire dans le light novel, pour mon avis, pour le voir, quoi. Ouais, voilà. Et la dernière news, bon, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, c'est le décès qui est survenu le 11 février dernier de l'artiste Jiro Taniguchi, à l'âge de 69 ans. Il était connu pour avoir fait le quartier lointain à Rukanamachie et l'homme qui marche, donc qui est mort il y a assez triste, le 11 février. Voilà. Donc, triste nouvelle quand même. Voilà. Donc, la perte d'un grand auteur. Voilà. Moi, je l'ai jamais vu ses œuvres, mais on m'a dit que c'était une légende du manga. Donc ouais, quand j'ai appris son décès, moi, perso, je ne le connaissais pas, donc je me suis pas dit « waouh, non », etc. Mais j'ai entendu ça autour de moi, mes amis, ils étaient là « waouh, Taniguchi, il est mort !» c'était le bordel, donc... Disons qu'il a un dessin qui est... Vas-y, je t'en prie. D'ailleurs, dans le groupe Facebook dont tu fais partie, Kao, il y en a un qui aime beaucoup Taniguchi. Oui, c'est Flamme. Flamme, comment dire, il est en transe quand on parle de Taniguchi. Oui, Flamme, Flamme, si vous ne connaissez pas Taniguchi, il va venir, il va vous mettre des coups avec les œuvres de Taniguchi comme ça. Lis-le. Voilà, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup, c'est surtout son dessin, je le trouve tellement apaisant. Les traits qu'il a, pour moi, c'est une grosse perte, je trouve personnellement. Enfin bref, voilà. Donc, voilà. Quoi. Ouais, quand c'est soudain comme ça, oui, c'est sûr. Ah ouais, mais on en a perdu pas mal ces derniers temps des auteurs. Ouais. Mais... Qu'est-ce que ça va être les prochains qui sont. Alors nous, c'est peut-être parce qu'on fait partie de la vieille génération, comme on dit, la génération Club d'eau. Ouais. Alors du coup, on va avoir de plus en plus d'auteurs qui vont disparaître. J'ai pas hâte quand ça va arriver sur Akira Toriyama ou. Oula. Matsumoto, international. Il va y avoir Toriyama va mourir. Il va y avoir une vague de suicides incroyable. C'est obligé. Il n'y a pas le choix. Quoique s'il continue Dragon Ball Super, c'est pas sûr. Ouais, non. vu la merde que c'est, je suis désolé. Non. C'est clair. J'ai perdu tout respect pour lui. C'est pas vraiment lui, il supervise Akira Toriyama, donc ce qu'il fait à côté, c'est vrai que c'est quand même super. Mais c'est vrai que ouais, non, Dragon Ball Super, pour l'instant, tout le monde n'est pas de cet avis, hein, mais et puis, tout le monde a le droit d'aimer ou ne pas aimer Dragon Ball Super. Hein. Mais c'est vrai que moi, je trouve que bah, ça n'a pas l'âme. Et ça ne correspond pas à l'ancienne série. Donc, ça, je trouve que ça dénigre totalement l'œuvre originale. Mmh. Voilà. Bon, bah, pour cette, les apéro news, c'est terminé. Hein, on va passer à la suite. Mais avant de passer à la suite, eh ben, on a une petite série de clips. Donc, on se retrouve dans à peu près une dizaine de minutes. Alors, à la régie. C'est parti. Yeah. っぱり合う生き残ったものが勝者でペアなどは幻想を日曜日やるステイテンアタック語るのは天下国家異常階段で爪を取る明日はどうしたなんて J'espère que ça vous a plu, cette petite série de clips. Et maintenant, nous allons passer à Quoi de neuf à l'apéro. Quoi de neuf à l'apéro, ce sont les sorties des nouvelles séries de manga, donc juste les volumes 1, qu'il y a dans les 15 prochains jours. Et pour ça, du coup, je vais me tourner vers Yankuza et Kaoshi qui vont nous faire cette jolie liste. Et peut-être, on va savoir ce qu'on attend. Eh bien, le 15 février, c'était hier. Oui, est sorti le premier tome de Freaky Girls, édité chez Pika. C'est de type seinen, et puis je vais laisser la place à Kao pour le synopsis. C'est quel auteur ? C'est de Pétos. Tiens, c'est drôle de nom pour un jeu. C'est un grec. C'est un grec. Un grec ? Ah c'est un grec. Ouais. À toi, Kao. Alors, pour le synopsis, Tetsuo Takahashi est professeur de biologie au lycée Shibazaki, où les parahumains côtoient les humains. Le lycée possède même une professeure qui est une succube. Le jeune prof est passionné par ces monstres qu'on appelle des demi. C'est l'occasion rêvée pour lui de les étudier de plus près. Il observe avec bienveillance et apprend à connaître ses petits ados pas vraiment comme les autres. Ouais. Vous attendez celui-là ou pas ? Perso, non. Non. Bon, comme ça s'est fait. Ouais, donc. C'est trop vague pour un synopsis. Oui, tout à fait, ouais. Je t'en prie, Yann. Attendez, je fais la transition, excusez-moi. excusez-moi, alors là, la régie est merde. Et ben voilà, ça y est, tu t'es raté. Comment on va excusez-moi, j'avais oublié de mettre les couvertures. J'ai oublié de mettre les couvertures pendant qu'il parlait. Je suis vraiment désolé. C'est ce qu'on appelle les alliages directs, ne t'inquiète pas. Exactement. Ça de faire plusieurs choses en même temps. Ah bah voilà. Alors, par contre, donc oui, le prochain qui va sortir comme manga le 17 février, c'est March Come In Like a Lion de Umino Shika, qui sera édité chez Kana. Et c'est du genre CNN, donc à toi K.O. pour le synopsis. Alors, Rei, 17 ans, est un joueur professionnel de Shogi, un jeu d'échecs version japonaise. Ils sont seulement 5 dans l'histoire de ce jeu à être passionnés, à être passé professionnel, pardon, en étant encore collégien. Mais Rei est aussi un adolescent meurtri par la mort de ses parents et de sa petite sœur. Alors qu'il vit une vie de solitaire, isolé du reste du monde, il fait la rencontre de 3 sœurs. Elles sont vivantes, énergiques, elles ont le cœur sur la main et surtout, elles lui redonnent le goût de la vie, l'envie de partager avec les autres. À leur contact, il va petit à petit ouvrir les yeux sur lui-même et sur les personnes qu'il rencontre sur son chemin. Il s'ouvre au monde, mais découvre aussi la difficulté du chemin qu'il a choisi de suivre. Donc ça, c'est March Comes in the Like a Lion. Oui. D'accord. Ok. Ouais, bah celui-là, peut-être qu'il m'intéresse déjà, personnellement. Moi aussi, parce que l'histoire du Shogi, déjà, j'aime beaucoup ce jeu, déjà, le Shogi. Mm. Et le fait que ce soit un ado solitaire et totalement décroché du reste du monde qui va petit à petit reprendre le goût à la vie, ça, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait donner des bonnes petites leçons de vie, je dirais, des bonnes morales. Et ouais, ça pourrait être intéressant. Mais le 15, il n'y avait pas un autre manga qui était sorti? Le 15 ouais, le 15. 15, je pense que c'est le journal de Kanoko. Ouais, c'est ça, il me semble. Excuse-moi, je suis en train de lire dans l'ordre. Bah, il est dans. Je te signale que tout ce que je t'ai donné est dans l'ordre. Alors là, alors là moi, ça passe du 15 au 17. Ah, moi, j'ai lu le journal de Kanoko, le 15. Tout à fait. Regarde bien. T'as pas dû m'envoyer. Je vais te montrer, tiens. C'est un complot. C'est un complot. Regarde ce que j'ai. Bah, il est écrit le journal de Kanoko. Le journal de Kanoko était bien là. Oui, mais On m'accuse de mauvais travail, mesdames et messieurs. On m'accuse de mauvais travail alors que j'ai tout fait correctement. Ah là là, je suis outré. C'est pas le pire, c'est qu'il nous montre la preuve. Il nous montre la preuve alors qu'elle est dessus. Il n'y a pas de logique. Ah, je te conchis. Non, mais... Ah là, oui, erreur de ma part. Je savais bien que je ne comprenais pas pourquoi on passait de Freaky Girls à March Come alors que c'était le journal de Kanoko dans l'ordre des images. Pour une fois, j'ai foiré, hein, qu'est-ce que vous voulez. Les aléas du direct, deuxième version. Ce sera mieux dans les prochains numéros, bah, on s'inquiète pas. Eh ben, on va faire l'inverse, maintenant. Hop là. Non, je m'égoure encore. Hop là, voilà. Bim. Et donc oui, là c'est 15 février, le journal de Kanoko, année lycée de Tsujita Ririko, édité chez Pika. À toi K.O. pour le synopsis. Alors, Kanoko, qui jusqu'au collège changeait constamment d'établissement scolaire, intègre un lycée d'élite avec son ami Haru. À cette occasion, elle décide d'abandonner son rôle d'observatrice pour enfin vivre sa vie. Le hasard s'en mêle et la voici enrôlée dans le club journalisme. Elle se retrouve ainsi au cœur de la guerre médiatique qui oppose les clubs du journalisme, d'audiovisuel et d'informatique. L'héroïne du journal de Kanoko vit de nouvelles aventures au lycée. Alors moi déjà ça m'intéresse absolument pas. Moi perso, je trouve que ça pourrait être marrant en fait, une guerre entre 3 clubs bidon, tu vois, c'est ça pourrait être marrant en fait parce que c'est ça donnerait un aspect de la vie réelle et comme ils le font si bien des trucs très bidons et inutiles que les Japonais arrivent à te faire kiffer comme ça. Donc ouais, pourquoi pas, là ça pourrait aussi être pas mal. Une guerre de clans entre les clubs. Ouais, après c'est vrai que ça peut partir vraiment dans des délires style bah yakuza etc, ça peut être n'importe quoi en fait. Qu'on voit ne serait-ce que je sais pas moi Lovina par exemple qui était juste la vie dans un pensionnat et puis qu'on voit des tortues qui bloquent des katanas, des trucs comme ça, bon bah à partir de là on peut se dire que dans les mangas tout est possible. Oui, tout est possible. Je t'en prie Yakuza, la suite. La suite. gérer deux choses en même temps, c'est pas possible. Alors, le prochain manga qui sortira ce mois-ci, c'est le 22 février, c'est Destopia de l'auteur Yamada Yoshinobu, édité chez les éditions Soleil, et c'est d'un type seinen. À Tokyo pour le synopsis. Alors, un collégien japonais nommé Ku Fujimura est un jour victime d'un accident qui lui fera perdre l'usage de ses deux yeux. Il subit une opération qui se déroulera avec succès, mais il obtiendra à son réveil une perception extrasensorielle. Ciblé par des mutants qu'il peut désormais voir, il rencontrera Yui Kizaragi, qui le fera entrer dans l'organisation pour laquelle elle combat le mal avec d'autres filles, mais tout cela fait partie d'un vaste complot. D'accord. Oh. Pourquoi pas ? Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Déjà, ouais, le chara-design, j'aime bien. Le style des deux yeux qui lui donne une nouvelle perception, ça me fait penser à Daredevil. Mm-hmm. Donc déjà là j'aime bien. Et après si c'est un truc de combat contre les mutants, etc. Après il faut savoir que c'est très très très ecchi. Hein. Il y a beaucoup d'ecchi là-dedans. Il y en a presque trop. Fairy Tail à côté c'est rien. Ah bon Ah oui. Ça y est, on a passé la barre au-dessus alors. Il y a un manga plus ecchi que Fairy Tail. Voilà. Ah non, mais ouais, ils ont placé la barre très très haut. Ok. Alors, le prochain manga. Excusez-moi, je fais. Ah, rien que le nom déjà, ça ne m'intéresse pas. Alors, qui sortira le 23 février, c'est Magical Girl Boy de Mokon, ou de Mokon Ishokusen, édité chez les éditions Akata, qui aiment bien faire du What the Fuck, comme leur collection. Mm-hmm. Et bah, toi, KO pour le synopsis. Alors. Saki Uno est une lycéenne, mais elle est surtout membre d'un duo de chanteuses pop, les Magical Twins. Le problème, c'est que son groupe ne rencontre pas du tout de succès. Dépitée, un soir, alors qu'elle rentre d'un concert catastrophique, elle trouve devant chez elle un yakuza fou furieux. Ce dernier lui apprend une drôle de nouvelle, sa mère était autrefois une Magical Girl, et c'est désormais à son tour de signer un contrat avec lui, pour protéger l'ordre et la justice. Le problème, c'est que Saki n'est pas du tout emballée à cette idée, à moins que pour protéger l'homme qu'elle aime, elle ne soit d'accord pour se fighter contre des ours bodybuildés. Sa nouvelle vie de Magical Girl Boy lui réserve bien des surprises. Ouais, bien What the Fuck. What the Fuck. C'est ça, ça fait partie de la collection What the Fuck de chez Akata. J'aimerais bien voir les ours comme un peu comme dans le même genre que Lady Boy versus Yakuza. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, si. Le fameux Yakuza qui se fait opérer et puis qui se retrouve sur une île de pervers. Ah, il paraît qu'on entend que Ryu et moi, on nous entend en église. Oui, je check les commentaires, mais c'est pas que je veux pas répondre, mais c'est que j'essaie de gérer comme je peux. J'espère que ça se répercute pas sur l'enregistrement pour la radio. J'espère. Oui, bah on verra bien. Écoute, c'est une première, les gens. Hein, nous sommes une première. Hein, c'est une première qu'on essuie les plâtres. Ah bah, on a essuyé plusieurs. Hein. C'est pas fini. Attends la fin de l'émission pour raconter. Et puis bah pareil, le 23 février, un autre manga sort, c'est Monster X Monster de Tobita Nikishi, édité chez les éditions Kiun, et qui est un type shonen à Tokyo pour le synopsis. L'époque où l'humanité tremblait face aux monstres est révolue. Aujourd'hui, ce sont les monstres qui sont les proies des humains. Les Bringers, spécialistes de la chasse aux créatures fantastiques, sont de véritables stars respectées de tous. Enfin, sauf du héros de notre histoire, le pire grandeur de l'humanité. À 29 ans, il vit encore chez ses parents et passe ses journées à se curer le nez en pestant contre l'attention portée aux Bringers. Il mène un combat quotidien contre sa mère qui menace de le tuer s'il ne va pas chercher du travail. Et en bon parasite, il s'arrange pour rentrer bredouille à chaque fois. Contre toute attente, la mère finit par avoir raison de la résistance du fils. Ce dernier se retrouve ainsi embarqué, bien malgré lui, dans un voyage initiatique pour devenir Bringer. Mais comment s'en sortir quand le moindre contact avec le plus minuscule des monstres suffit à vous faire tourner de l'œil ? À voir. À voir. À voir. Ouais. À voir. Je suis totalement d'accord. À voir. Ça peut être très bien. Bah, il a un synopsis intéressant. Voilà. Justement, ça me fait penser à DNA au carré. C'est le mec, il a l'œil qui tourne dès qu'il voit un monstre. Ah oui. Alors que dans DNA au carré, le mec, s'il se transformait pas en super méga playboy, là, avant il vomissait dès qu'il était à côté d'une gonzesse. C'est un peu le même. Donc ça peut être très bien comme ça peut être très nul. Moi déjà, j'aime déjà le héros en fait. Parce que le héros, à mon avis, va bien me faire rire. Ouais. Et à côté, il doit être bien badass quand même. Je vous laisse combler, hein, le temps que je charge la suite. Alors on va combler. Tu nous dis quand tu es prêt, hein, parce que de toute façon, il y a la nouvelle série. Normalement, nous sommes d'accord, c'est les prochains clips, c'est les prochaines musiques qui vont passer. Exactement. Nous arrivons à la deuxième session de clip et la dernière de l'émission, hein, avant de passer aussi à la dernière partie, hein, avec le manga du jour qui sera présenté par Kaoshi aujourd'hui. Oh. Et voilà. On a hâte de voir ce qu'il nous a préparé. On a hâte. Eh ben, on va pouvoir lancer les clips. La régie, est-ce qu'elle va chafouiller? Mais non, elle va réussir cette fois-ci. Il n'y a pas de souci. Je m'inquiète pas. Allez, du coup, on peut le faire. Alors, je lance. On lance les clips. Et on se retrouve tout de suite après sur Apirotech. À tout de suite. À tout de suite. 魂の火が胸を刺すなら言葉よりもっと強い響きが今聞こえるか目も合わさず運命にまで絡んでく行き先もろかぶってる食えない夜を走れ深追いしすぎた眩しさが悪い夢に続いても繋いだ魂の火が胸を刺すなら言葉よりも強い響きが今聞こえるか出会ったわけはどうだっていい引きつけられて触れた瞬間の傷の分だけ確かになれる嘘も偽装もあるよ出た世界を蹴りつけてもろともどっと壊れそうな夢中の果てが見たい一人にしないと掴む手は優しさから遠すぎて全てを約束できる明日はないから昨日よりちょっとマシな絆を信じてみようか c'est bon. Bah, c'était Nami Tamaki, c'est ça, Ryu? Oui, c'est ça, Nami Tamaki. Et puis pour ceux qui se sont posés du coup la question pour ce qu'il y avait au tout début, ce sont les Jin ou les Majin, je crois, de Kamen Rider Deno. Kamen Rider Deno, voilà, qui est une série qui a fait un très très gros succès. Donc oui, un peu comme les Power Rangers, hein, mais. Ah mais moi je me suis régalé au niveau des clips, hein. C'est tellement what the fuck, et on disait que Magica Girl c'était what the fuck, sérieusement. Je me suis dit, tiens, bon, hein. C'est rigolo, voilà, on va mettre ça, c'est parti, ouais. On s'en fiche après tout, faut mettre un peu de tout. Ah c'était excellent, un régal pour moi. Eh bien on va passer à la... J'espère que vous avez apprécié quoi, ce bon son. Bah, moi en tout cas je sais que j'aime bien, donc sinon je les aurais pas dit. Bah, je demande aux auditeurs, voilà, ceux qui nous regardent, parce qu'apparemment... Il y a un gros problème de son quand on parle. Ah. Donc, je fais ce que je peux. Je crois que ça s'est réglé. Je ne sais pas. Il y en a qui entendent en mode église. Peut-être vous êtes dans une église, peut-être. Ça, en tout cas, moi, je ne peux pas faire grand-chose. De ce que j'ai entendu sur la vidéo, en tout cas, pour l'instant, moi, je n'ai pas eu ce problème-là, de mon côté. Donc, bon, on verra bien sur la vidéo quand elle sera. Exactement. Et on va passer au manga du jour. Voilà, donc c'est Kaoshi, du coup, qui s'est occupé de cette chronique-là aujourd'hui. Donc, quel manga tu nous as choisi ? Eh ben, aujourd'hui, on va parler de la version manga de Kingdom Hearts. D'accord. Alors, l'adaptation manga de l'action RPG de Tetsuya Nomura, développée par Square Enix, en association avec Disney. Oui, excellent. Le premier jeu est sorti le 15 novembre 2002. Aujourd'hui, la saga compte 10 opus, sans compter les Final Mix, qui ne sont que des reprises même des jeux, en ajoutant une fin remixée, c'est tout. Ouais. L'univers de Kingdom Hearts est excellent, car il mélange les personnages de Disney et de Final Fantasy à la perfection. Ouais, c'est vrai que c'est super fun quand même, comme jeu. Moi, je l'ai tous fait, hein. j'ai kiffé. Et j'ai hâte au 3, j'attends le 3, mais... Ah non, mais le 3, quand on a vu la bande-annonce du 3, déjà, enfin, du premier trailer qu'on a eu... Ah, il se fait languir, celui-là, hein. Ah ouais. Bah, après, on s'est fait languir aussi pour 2.8, et il n'est pas si bien que ça, finalement. Donc, Ça, malheureusement, après, je suis pas forcément après KH3, étonné. KH3, par contre, ouais, là, on va avoir du lourd. Les scènes d'action sont totalement époustouflantes à travers les cinématiques et même dans le gameplay. Ouais. Le gameplay est juste... Waouh. Pour la Play 2 à l'époque, donc, qui est sortie dessus, c'était incroyable. Ouais, malgré la caméra un peu folle, c'est vrai que c'était très dynamique. Ouais. Extrêmement dynamique. La caméra, je pense, je trouve qu'elle a été améliorée pour le 2. Pour le 1, elle était un peu... Waouh. Ouais, mais bon, ça c'est un défaut de l'époque de la PS2. De toute façon, les caméras libres, de toute façon, c'est les caméras qui sont jamais notre allié. Ça nous aidera jamais. Hein. Ça va toujours se bloquer dans un mur. C'était déjà la PS1, la PS2, on a eu ce problème-là aussi. Enfin bref, bon, ça va un peu mieux maintenant, parce qu'ils font des caméras qui se bloquent, mais ça arrive toujours, malheureusement. D'accord, on a encore des problèmes. Final Fantasy XV a toujours ce problème, et pourtant il est très récent. Mais ouais, Final Fantasy XV est très récent, mais ça fait un moment qu'il est en réalisation. Donc il garde un petit peu son ancienneté aussi de création. C'est pour ça, tout simplement. Vas-y, je t'en prie, continue. Alors après, la saga a connu un véritable succès en novembre 2013, car c'est à ce moment-là qu'elle s'est vendue à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde. Un record total pour Square Enix. C'est également ce qui a engendré une variété de produits dérivés, dont la version manga dont nous avons parlé, qui est sortie en France en juin 2012 chez Pika Edition. D'accord. Alors, l'adaptation manga est écrite et dessinée par Shiro Amano, qui est l'auteur de l'adaptation manga de The World Ends With You et de Legend of Mana, etc. J'aime beaucoup son dessin. Alors là, justement, je vais en parler. Pour moi, Shiro Amano ne respecte pas du tout l'œuvre originale. Le design correspond plus à une BD pour enfants. Ouais. L'histoire, elle est abrégée de A à Z. Il a tout coupé. Alors moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait un produit dérivé sur un produit qu'on est forcément obligé de s'adapter au style graphique de celui-ci. Justement, Shiro Amano a su garder son style. Alors après, niveau scénario, c'est encore autre chose. Mais au point de vue du dessin, moi, je suis pas d'accord. Je trouve que justement, c'est bien qu'il ait gardé son propre style de dessin. Puisque bah, si c'est juste pour copier à ce moment-là, ça sert à rien, quoi. Il faut que ce soit un peu différent du jeu pour moi. Ça, pour moi, c'est important. Après, oui, voilà, moi, c'est parce que je suis un fan absolu de la saga et je voulais pas du tout voir ça, c'était pas du tout ce que je voulais voir. Moi, je voulais voir mon Sora comme je l'aime, et c'est pas du tout ce que j'ai eu. Mais après, pour l'histoire, elle est clairement abrégée. Je prends l'exemple de Kingdom Hearts 2, adaptation manga, donc toujours de Shiro Amano. La scène de Sora et Riku dans le dôme de laser de Xemnas, qui est une scène incroyable parce que tu dois spam les touches carré triangle, mais Sora et Riku s'entraident en parant toutes les attaques à une vitesse incroyable, et ben là la scène n'apparaît même pas, et pourtant c'est une des plus marquantes de la saga, et ça j'ai trouvé ça horrible. Ouais, dommage quoi, dommage. Et c'est Shiro Amano qui est au scénario aussi, ou c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est lui, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout, d'accord, ok. Ouais, ouais, donc là c'est vrai que c'est un peu dommage. Après, bon, c'est jamais facile ce genre d'adaptation. C'est vrai que moi généralement je fuis les adaptations de jeux vidéo en manga parce que, bah, tout simplement, il y a un producteur derrière, on fait pas ce qu'on veut et ça donne. Il y a eu beaucoup d'exceptions comme ça. Et c'est souvent très décevant. Ouais. On a eu The Legend of Zelda qui était aussi très très décevant. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais. Donc, comme quoi. Il y a eu aussi Assassin's Creed, j'ai même pas voulu regarder. Non, c'était horrible. Un qui respecte bien sa propre licence, c'est Pokémon. Ouais, mais bon. Pokémon, la version manga, elle respecte bien l'univers, etc. Après, la saga, l'adaptation manga de Kingdom Hearts, il y a aussi un grand manque de combat. Par exemple, le premier boss de Kingdom Hearts 1, dans l'adaptation manga, et bah, le boss, il le finit en un seul coup. Ah ouais. Alors que c'est censé être l'armure gardienne, un truc totalement waouh, etc. Ouais. Et ben non, là il lui a mis un coup, le dessin tu le comprends même pas, tu comprends même pas son mouvement, c'est... Non, pour moi c'était très très décevant. Il y a aussi un grand manque de dialogue, donc il y a beaucoup de scènes qui disparaissent, donc ça je rejoins l'histoire qui est abrégée. Et à la fin on a tout le temps le droit à des petites séries de gags, et ben je les ai trouvés pas drôles, je les ai trouvés peu compréhensibles en réalité, et c'était pour moi... pas assez... C'est dommage, quoi. Assez développé. En bref, pour moi, l'adaptation manga de Kingdom Hearts est une réelle déception. D'accord, ok. Ah, dommage. Ah ouais, c'est dommage, mais bon. C'est dommage pour un jeu comme Kingdom Hearts, qui est juste magnifique, au scénario, etc., les musiques... Mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment étonnant, j'ai envie de dire. C'est ça en fait. Pour moi, c'est pas étonnant. Pour moi, Kingdom Hearts, ça doit rester dans le jeu et surtout pas partir dans des mangas, BD, etc., etc. Pour moi, non, c'est ça. Ça a été l'erreur déjà de base. Parce que de toute façon, quand on fait une adaptation, on est forcément jugé par rapport à l'œuvre originale. Donc c'est déjà le cas avec les films qui sont tirés de livres. Où on dit oui, mais c'est pas assez complet. Mais en même temps, un film ne peut pas montrer tout un livre. Mais là, c'est après, il y a ça avec tout, hein, de manga à l'animation aussi. Exactement. Un manga qui est adapté en animé. Donc, je prends l'exemple de Samurai Super Kyo, qui est décevant au niveau animé et qui est excellent au niveau manga. Oui, ça, c'est clair. Voilà. Donc, pour moi, c'est même pas étonnant, de toute façon. Donc voilà, quoi. Je trouve quand même que c'est du gâchis. Quitte à adapter Kingdom Hearts, quoi. Non, pourquoi lâcher une telle bouse? Ça m'a déçu. Bah, le pire, voilà. C'est que j'ai acheté tous les tomes de tous les Kingdom Hearts sortis, à chaque fois. J'étais là, je pleurais, mais comme j'adore ça, bah, j'étais là, je pleurais, mais je lisais. Mais tu persistes, t'y crois. Peut-être que le prochain tome sera bien, peut-être. Dis-moi qu'il y aura cette scène-là, ok, Adier? Et ok, non. Il le termine en deux coups. Bon, bah voilà. J'en ai chié pour le fumer, et lui, il le termine en un coup. Voilà, c'était le premier numéro de Apérotac en direct là. J'espère que ça vous aura plu, hein. On a essuyé quelques plâtres. Mais bon, rien et de grave. Apparemment, on n'entend absolument pas. J'ai checké par mon téléphone. Effectivement, quand je parle, on m'entend pas. On vous entend tous les deux, mais pas moi. Alors, j'espère que la version radio n'ira pas ces soucis et vous entendrez ma belle voix suave. Et radio silence. Voilà. Bon, bah, apparemment. Je suis vraiment désolé. On n'entend pas, Yann Kouza. Donc, bah, on va couper. Moi, j'étais la régie, moi. J'ai pas fait grand-chose. On va. Il y aura le prochain numéro, sera dans 2 semaines. À la même heure, sur la même page, en espérant qu'on n'aura pas les mêmes soucis. Bah, j'espère régler les problèmes d'ici là. Voilà, hein. Désolé j'espère pour les petits problèmes. Et avec des nouveaux clips, des nouvelles news, des nouvelles sorties manga. Et restez à l'écoute, bah, samedi, donc c'est ce samedi-là qui sera diffusé. C'est ça, c'est rediffusé tous les samedis à 19h sur Radio Anime. Donc uniquement en audio. C'est en audio. Normalement, il y aura tout, hein, puisque nous on enregistre à côté. J'espère qu'il y aura tout, j'espère. Sinon, on sera plusieurs. C'est un joli montage. Et puis bah du coup, on vous dit à bientôt. Matané. Matané. Matané.